Voici en une heure de larges extraits de « Le diable au corps », roman écrit par Raymond Radiguet et publié en 1923, peu avant sa mort, à l'âge de 20 ans. Choix des textes, résumés et enregistrements de Jean-Paul Alexis, octobre 2018.